technocrate, crime vocal. Rien à foutre, vos soirées mondaines. Mon son barreau dans vos caves. Rien à foutre de passer sur Sky entre deux ce scra. J'rappe pour mes scraps, j'manie les mots comme au Scrabble. Teaser c'est hardcore comme rendre une claque à son père. Écoute-moi attentivement comme une déclaration de paix. Rien de terrible, j'taffe les rimes. Si le rap paye pas, j'retourne pointé sur le rinté ou à l'intérim. Moi j'fuck la police, mais pas sur nos trous de poulet. J'fuck ton rap bling bling, sur mon survêt y'a que des trous de boulettes. J'tends pas la joue, j'sors de longue sans abat-jour. J'fais pas du rap debout, regarde dans les yeux quand tu dis bonjour. Mon hamster, j'cours sur place comme un hamster. Si la bif fait le moine, j'vois le rap comme un monastère. J'enfonce le clou, le rap, j'vais le marteler. Pas de pitié, j'ai le cœur à vif comme Martelet.